lorsque le vent m'emportera loin de la ville où j'ai vécu, que plus rien ne pourra me faire tourner la tête pour voir derrière. Lorsque je verrai devant moi de grands champs à perte de vue, je saurai que je suis chez toi et que j'aurai fini ma guerre. Quand je verrai ta silhouette se dessiner là devant moi, je sais que mon cœur va bondir et frapper fort dans ma poitrine. Depuis le temps que je l'espère, ce jour plein de chaleur, de joie, je pourrai enfin effacer toutes ces angoisses qui me minent. Car c'est pour toi que je voyage, dans ma tête et puis dans ma vie, comme poursuivre ton sillage et enfin sortir de la nuit. Oui, c'est pour toi que j'ai des rêves qui me poussent chaque matin à oublier que j'ai la fièvre et le feu qui brûle mes mains. Ce jour pour moi sera béni, ce sera le but de ma quête, qui sera enfin accompli et le passé sera bien loin. Je n'en garderai en mémoire que les plus belles pages, quelques miettes. Je n'aurai plus d'autre besoin que celui de tenir ta main. Nous reconstruirons notre vie comme nous l'avons déjà rêvé, plein d'amour, de joie, de bonheur. Et nos peines seront moins dures. Je ferai tout pour te charmer, pour le présent et le futur. Et chaque jour à tous les temps, je conjuguerai le verbe aimer. Car c'est pour toi que je voyage, dans ma tête et puis dans ma vie, comme poursuivre ton sillage et enfin sortir de la nuit. Oui, c'est pour toi que j'ai des rêves qui me poussent chaque matin à oublier que j'ai la fièvre et le feu qui brûle mes mains. Je t'aime aujourd'hui et je sais que demain ce sera plus fort, que tout l'amour que j'ai pour toi inondera toute notre vie, et que celui que tu me portes sera le ciment qui nous lie. Je te consacrerai ma vie, j'en suis certain jusqu'à ma mort. C'est pour toi que je voyage, dans ma tête et puis dans ma vie, comme poursuivre ton sillage et enfin sortir de la nuit. Oui, c'est pour toi que j'ai des rêves qui me poussent chaque matin à oublier que j'ai la fièvre et le feu qui brûle mes mains. Oui, c'est pour toi que j'ai des rêves qui pousse chaque matin, à oublier que j'ai la fièvre et le feu qui brûle mes mains.